le chant du guerrier. Lève le poing en l'air, frère, si tu te sens concerné. Mon cœur ne cesse de pleurer, marqué par la vie, combat sans trêve, rêve inachevé. Ma mère m'a porté, la rue m'a bercé. Combien de frères sont tombés, de sœurs qui se font tourner. Déjà 30 balles, trop d'années ont passé. Combien en ont morflé, mes rêves de gauche n'y ai pas goûté. On me les a volés, le visage démasqué. Ce pays me détruit, je rêve de m'envoler. La tête cagoulée, les sous je vais récupérer. OP sur le terre-terre, qui pourra le contester. Les genoux sur le sol, uniquement pour prier. Rien à foutre des clés de sol, moi j'ai ma voix pour pleurer. Pas emprisonné, mais à deux pas du jugement, celui des hommes. Rien à battre, je garde les poings serrés. Dans mes rêves les plus fous, je vois la paix entre les hommes. Mais l'orgueil nous divise, la colombe se fait plumer. Si comme moi t'as le sentiment d'une vie inachevée, retrousse tes manches, qu'est-ce que t'attends, rien ne t'empêche de foncer. C'est le chant du guerrier. Lève le poing en l'air, frère, si tu te sens concerné. Si tu te sens concerné, mon cœur ne cesse de pleurer. Marqué par la vie qu'on passe en trêve, rêve inachevé. Rêve inachevé. C'est le chant du guerrier. Lève le poing en l'air, frère, si tu te sens concerné. Si tu te sens concerné, mon cœur ne cesse de pleurer. Marqué par la vie qu'on passe en trêve, rêve inachevé. Rêve inachevé. C'est le chant du guerrier. Lève le poing en l'air, frère, si tu te sens concerné. Mon cœur ne cesse de pleurer. Marqué par la vie qu'on passe en trêve, mes vieux démons viennent chaque soir me hanter. Mon âme est à tourner. Cicatrice profonde, frigo plein, estomac vide, mode de vie trop d'esprit. À la famine, mon corps érodé. Père de famille mentale, reste accroché. Je peux pas foirer les miens, mes poils pour vous, je reste agrippé. Je rêve d'unité, je rêve d'unité. Tout le monde veut sa part du gâteau, mais elle était miettée. Chacun pour soi et Dieu pour tous, telle est leur mentalité. Comment démasquer les vrais, tout tourne autour du blé. Blanc foireux, jalousie, hypocrisie, peu de modestie. Je me sens trahi, médisance. Convoitise, c'est l'anarchie, néfaste MC. 2013, c'est le chant pour tous mes guerriers. Le bras en l'air, toujours le poing serré. C'est le chant du guerrier. Lève le poing en l'air, frère, si tu te sens concerné. Si tu te sens concerné, mon cœur ne cesse de pleurer. Marqué par la vie, combat sans trêve, rêve inachevé. Rêve inachevé. C'est le chant du guerrier. Lève le poing en l'air, frère, si tu te sens concerné. Si tu te sens concerné, mon cœur ne cesse de pleurer. Marqué par la vie, combat sans trêve, rêve inachevé. Rêve inachevé. C'est le chant du guerrier pour tous les mecs qui taffent. Les galériens de la zone à la recherche de faf. Nos rêves de gosses, on nous les a volés. Chacun pour soi, ils ont réussi à nous faire gober. On tourne, chaque jour qui passe, un nouveau défi à relever. Je rêve d'unité, je rêve d'unité. Combat universel, frère. C'est le chant du guerrier, c'est le chant du guerrier. 2013, le ghetto, la rage et du seum. Néfaste, message de paix. A tous les frères, je passe le salam. Je rêve d'unité, je rêve d'unité. Néfaste, MC.